à Sifu pour l'écouter. 89.1. cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Tourvigine, Tourvigine, les séries Charm de Roswell et Murphy Brown reviendraient bientôt. Dans Merci Science, les moustiques apprendraient à rester loin de ceux qui veulent les tuer. Dans Célix, des chercheurs travaillent sur l'intelligence artificielle pouvant prédire la mort. Et dans Tout ce qui bouge, les véhicules pourraient bientôt être capables de mesurer nos émotions. Le Mathieu Plante Show commence tout de suite. Voici celui dont les émotions se mesurent à la petite cuillère. Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue Mathieu Planchot et Mathieu Planche. Bienvenue à Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 29 janvier 2018, la chronique télévisuelle Television Television, la section Sciences, Technologies, Médecine, Merci Sciences et le segment Geek CNX, comme toujours. Malheureusement, par contre, cette semaine, on n'a pas Frédéric Simon ni Samuel Girard. Ils sont tous les deux absents. Donc, pas de chronique jeux vidéo cette semaine. C'était la semaine de Frédéric Simon. On va voir si on repense à la semaine prochaine ou dans deux semaines. On salue les malades. Pour petit, c'est moi qui est malade d'habitude, hein? Je pense que j'ai de l'influence sur lui. Dans quelques minutes, donc, ce sera Television Television. Mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo, encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. On a débuté avec une pièce de Power Supply nommée Balloon Town 2 Electric Balloonagoo. Et on continue ça avec un de mes préférés, c'est Amateur LS DJ. Voici Hindsight au Mathieu Plante Show. We'll be right back. Hindsight par Amateur LSDJ. Oh, Mathieu Plancho, maintenant c'est Television Television. Television, Television, on parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. Commençons au Québec avec un accès privilégié au Palais de justice de Québec à Canal D, une production de KO TV diffusée à l'automne 2018. Cet automne, donc, sur Canal D, on pourra entrer dans l'univers du Palais de justice de Québec grâce au docu-réalité Dans les coulisses du Palais, produit par KO TV. J'aurais aimé ça un meilleur nom que Dans les coulisses du Palais. Genre, attends un petit peu, La langue sur le palais. On suivra des juges, des avocats, des greffiers et des constables spéciaux dans leur quotidien, passionnés par leur mission de rendre la justice plus humaine, plus accessible, plus expéditive et moins dispendieuse. Dans les coulisses du palais offrira un accès inédit auprès des juges de la Cour supérieure du Québec et de la Cour du Québec. Ça va compter 11 épisodes de 30 minutes. Ça s'appelle Dans les coulisses du palais. C'est l'automne qui s'en vient, le prochain, là, sur Canal+. Une trilogie, on va aux États-Unis déjà, en fait. Une trilogie de Margaret Atwood qui va être adaptée à la télé. L'œuvre de Margaret Atwood semble inspirer de nombreux créateurs en télé depuis quelques temps. Les sociétés de production Anonymous Content et Paramount Television, oui, ont annoncé l'acquisition des droits de développement pour une série inspirée de la trilogie dystopique de l'écrivaine canadienne incluant Oryx and Crake, The Year of the Flood et Mad Adam. La trilogie Le Dernier Homme met en scène un petit groupe de survivants à la suite d'une pandémie mondiale qui a décimé la majeure partie de l'humanité. Par communiqué, Margaret Atwood s'est dite heureuse de la vision des producteurs et de la présentation visuelle renversante qu'ils ont conçue. Les adaptations des œuvres de l'écrivaine ont connu un grand succès au petit écran dernièrement. Évidemment, la série The Handmaid's Tale a obtenu une pluie de récompenses, tandis que Alias Grace a récolté de bonnes critiques. David Cantor et Bart Duros de Anonymous Content ont indiqué que la trilogie offrirait des occasions fantastiques de mettre en image la vision la plus éclatée du futur jamais montrée à la télé. La présidente de Paramount TV, Amy Powell, a de son côté ajouté que la voix littéraire unique et singulière de Margaret Atwood traite des grands enjeux auxquels fait face notre climat actuel et résonne auprès des admirateurs à travers le monde. La trilogie du Dernier Homme n'est pas une exception. Ensuite, passons à Helen Mirren, une autre grande dame, qui va jouer Catherine II sur HBO. L'actrice Helen Mirren incarnera Catherine II de Russie dans une mini-série de 4 épisodes coproduite par HBO aux États-Unis et Sky en Angleterre. La production, évaluée à 250 millions de dollars, s'attardera aux dernières années du règne de celle que l'on a surnommée la Grande Catherine, l'une des femmes les plus puissantes de l'Europe au 18e siècle, et à sa relation avec son amant Grigory Potemkin. L'impératrice, oui, dont la vie sexuelle a défrayé la chronique en son temps, a fait assassiner son mari après un coup d'État pour ensuite régner sur la Russie sans partage jusqu'à sa mort. Une autre grande dame, pour vrai, 3 de suite, Meryl Streep, jouera dans Big Little Lies saison 2. La comédienne, donc Meryl Streep, sera de la deuxième saison de la série télé Big Little Lies. L'annonce a été faite par Variety et ça a certainement enflammé le web. Meryl Streep incarnera le personnage de Mary Louise Wright, la mère de Perry, jouée par Alexander Skarsgård. Elle débarquera à Monterey pour s'occuper de ses petits-enfants à la suite de la mort de Perry, qu'elle cherchera aussi à expliquer. Bon, hein? Spoiler alert much? Hein? Selon Variety, la comédienne sera payée 800 000 $ américains par épisode. Selon Deadline.com, la dernière fois qu'elle avait joué pour la télé remonte à 2010 à 2012, oui, dans la série Web Therapy. Toujours sur HBO, la deuxième saison de Big Little Lies sera réalisée par Andrea Arnold, alors que Jean-Marc Vallée, le réalisateur de la saison 1, agira à titre de producteur exécutif. Suits va se poursuivre sans ses deux vedettes. Un autre article d'une source qui, j'espère, n'aura pas de spoiler. L'autre, c'était la presse, et celui-là, c'est aussi par la presse. Donc, on va voir. Le diffuseur de la série juridique Suits a annoncé la nouvelle à laquelle tous s'attendaient. La série se poursuivra pour une 8e saison sans Meghan Markle, qui a abandonné sa carrière d'actrice pour entrer dans la famille royale, juste comme tout le monde, évidemment. Ni Patrick J. Adams. La saison actuelle, dont la diffusion reprend à la fin du mois de mars sur USA Network, sera donc la dernière avec les personnages de Rachel Zane et de Mike Ross. Si les motifs du retrait de la future duchesse sont connus, Patrick J. Adams a confié pour sa part au Hollywood Reporter qu'il s'ennuyait de sa famille et qu'il avait l'impression que l'arc narratif de son personnage était complété. Est-ce que c'est le personnage ou le jeune homme? Attends un petit peu. Je vais pas lire le reste parce que c'est en effet un spoiler. Michael Haneke se lance dans la série télé. Hein? À la liste des grands cinéastes séduits par la série télé ne cesse de s'agrandir. Cette fois, c'est l'Autrichien Michael Haneke qui est tenté par la forme longue. Le réalisateur des films La pianiste, Caché, Le ruban blanc, Funny Games et Amour, deux fois lauréat de la Palme d'or à Cannes, pilotera Kelvin's Book, une série de 10 épisodes produite par la société allemande UFA Fiction. L'histoire se déroulera dans un monde dystopique où un groupe de jeunes en voyage obligés à atterrir d'urgence dans une zone hors de chez eux vont découvrir le vrai visage de leur pays. La dystopie est particulièrement à la mode ces temps-ci, on sait, avec The Handmaid's Tale et Black Mirror. Mais le regard particulier de Haneke, qui a souvent divisé la critique, rend ce projet encore plus intéressant, nous dit la presse. Kelvin's Book va être tourné en anglais, mais on ne sait pas encore quelle chaîne le diffusera ici en Amérique du Nord. On parle de sport électronique maintenant, Madden NFL qui sera retransmis par Disney. Des chaînes du groupe Disney, dont la chaîne sportive ESPN, leur équivalent de RDS, vont retransmettre une compétition du jeu vidéo de football Madden NFL, selon l'accord, donc une nouvelle illustration de l'engouement croissant pour les sports électroniques, qui nous dit l'agence France Presse. L'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts, la National Football League et Disney ont signé un partenariat pour les retransmissions exclusives sur plusieurs années de la compétition Madden NFL 18 Championship Series et d'émissions centrées sur la personnalité des joueurs, oui, ont annoncé les principaux intéressés dans un communiqué commun, ou ce qu'on appelle un communiqué. Hein. Les chaînes de Disney, XD et ESPN vont commencer à retransmettre à partir, c'est déjà fait. C'était samedi dernier, de la compétition. Et les 16 meilleurs joueurs s'affronteront lors d'une finale le 28 avril prochain, selon ce dit communiqué. Les compétitions de sport électronique dans lesquelles s'affrontent des joueurs de haut niveau par ordinateur, on le vend en poupe avec un public estimé à près de 300 millions de personnes dans le monde. Toutefois, le modèle économique tâtonne, les entreprises cherchant à trouver le moyen de générer des revenus, d'où l'intérêt de certains diffuseurs à s'engager dans la retransmission de ces tournois. Cette compétition est volontairement conçue pour faire de nos joueurs des superstars, disent-ils, en permettant au public de suivre ses joueurs préférés et de suivre les rivalités entre les joueurs, a expliqué le responsable des compétitions de jeux vidéo à Electronic Arts. L'accord prévoit, outre les compétitions elles-mêmes, la diffusion en avril d'une série d'émissions d'une demi-heure qui suivront les meilleurs joueurs de la compétition. À la fin octobre 2017, à l'occasion du 6e sommet olympique à Lausanne, en Suisse, les représentants du mouvement olympique ont évoqué la croissance rapide des sports électroniques et ont entrouvert la porte à leur possible reconnaissance en tant que sport à part entière. Les sports électroniques seront d'ailleurs une discipline aux Jeux asiatiques de 2022 en Chine. Toujours aux États-Unis, toujours à la télé en fait, l'épisode pilote du reboot de Charmed a été commandé finalement par la chaîne CW. Ça devrait donc arriver sur les ondes dans les prochains mois aux côtés de la nouveauté Dead Inside. Évoqué pour la première fois il y a plusieurs années, le reboot de la série Charmed semble avoir fait du chemin depuis. Variety dévoile en effet que la chaîne de CW a commandé le pilote de la série pour la saison 2018-2019. Les médias américains détiennent d'autres informations. Situé dans un contexte plus moderne que la série originale, le reboot de Charmed serait basé sur une histoire de Jenny Ehrman, qui est la créatrice de la série Jane the Virgin, Jane l'Immaculée en français. Tout aussi diffusé sur The CW. Des scénaristes de cette émission, à savoir Jessica O'Toole et Amy Rarden, travailleraient également sur le reboot de la série de 1998 qui avait duré 8 saisons. Un autre habitué de The CW, Brad Silberling, devrait être à la réalisation. Reste à savoir si le reboot va être lié ou non à la série originale. On peut s'imaginer peut-être des caméos de Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan ou encore Shannon Doherty. Rien n'est gagné pour l'instant. D'ailleurs, il y avait un petit tweet un petit peu, acerbe, peut-être, de Holly Marie Combs, qui a dit « Nous leur souhaitons bonne chance. We wish them well. » Ensuite, toujours chez la CW, parlons de d'autres émissions, qui ont été commandées, dont un autre reboot, celui de Roswell. Ouais, ça va passer par la case pilote, pas de contrat instantanément signé avec diffusion promise, non. CW a aussi commandé d'autres épisodes de nouvelles a également commandé des premiers épisodes, oui, pour de nouvelles séries In the Dark, Playing Dead, The End of the World, As We Know It, Skinny Dip et Spencer. Bref, c'était une rumeur et c'est désormais officiel. La CW a commandé un épisode pilote pour un reboot de la série Roswell. Mais c'est ça, donc la chaîne produit. Oui. Mais parlons pour l'instant donc de ce reboot qui devra, comme parce que le reste de l'article était redondant un petit peu, j'essaie de sauter des bouts. Donc Roswell devra, comme les autres, passer par l'étape pilote pour espérer avoir une saison complète. Ce sera écrit par Karina Adley McKenzie de la série The Originals. Ça, c'est les vampires originels en français, il me semble. Et notamment produit par Kevin Kelly Brown qui avait travaillé sur la série originale. mal. L'émission devrait s'intéresser à la fille d'immigrants sans papier qui revient à contre-cœur à Roswell et découvre que son crush, son béguin d'adolescence, désormais policier, est en fait un extraterrestre qui a vécu caché toute sa vie. Elle va alors cacher son secret et se reconnecter à lui tandis qu'ils enquêteront sur ses origines. Mais une violente attaque révélera que le gouvernement a caché cette présence d'extraterrestres sur Terre et la politique de la haine et de la peur va mettre en danger leur romance. Wow! Pour lire le résumé des autres séries qui ont été, des épisodes pilotes qui vont pas nécessairement se rendre à une série, pour voir leur résumé, c'est dans l'article sur assemblagerequis.com. Maintenant, parlons de choses qui sont sûres, en fait. Kenneth Bergen et la série Murphy Brown seront de retour l'année prochaine, pour un retour de 13 épisodes. Évidemment, on sait que Will and Grace est un énorme succès à la télé depuis son retour. ABC, au mois de mars, va ramener Roseanne à la mi-saison. Donc voilà, un autre réseau qui ramène une série. CBS va ramener donc Murphy Brown avec Kenneth Bergen qui va reprendre son rôle d'animatrice d'une série magazine, si on veut, télé, qui s'appelait FYI. Donc le 30e anniversaire de Murphy Brown s'en vient et il va revenir, Murphy Brown, dans un nouveau monde hein, de nouvelles câblées, de réseaux sociaux, de fake news... un climat politique et culturel plutôt différent, c'est ce qu'on dit chez CBS dans un communiqué de presse. Diane English, qui a créé la sitcom Murphy Brown, diffusée sur CBS entre 1988 et 98, sera de retour comme auteur et comme productrice exécutive pour la saison de 13 épisodes, alors que Bergen va aussi être productrice exécutive. Pendant ses 10 saisons sur CBS, Murphy Brown a dominé avec 62 Emmy, en a gagné 18, dont 5 trophées pour Bergen comme meilleure actrice dans une comédie. CBS espère autant de succès que Will and Grace avec Murphy Brown. Le président de NBC Entertainment, Robert Greenblatt, était tellement certain du revival, de Will and Grace, qu'il avait déjà commandé une deuxième saison avant même la diffusion de la première. Alors que, comme je disais tantôt, Roseanne va revenir sur ABC le 27 mars avec toute l'équipe, la distribution d'origine, même les deux filles qui ont joué le même personnage. Bref, ça va être cool. Sinon, il y a d'autres revivals qui ont beaucoup de succès, The X-Files, entre autres. Il y en a plein. On souhaite bonne chance à CBS et pour vrai, c'est le genre d'émission qui a un commentaire social à faire, donc je pense que ça pourrait avoir pas mal de sens comme retour. On va sur Netflix maintenant. Le congédiement de Kevin Spacey qui a coûté 39 millions de dollars américains à Netflix, nous rapporte la presse. Donc, le congédiement de Kevin Spacey des productions House of Cards et Gore a coûté 39 millions de dollars au géant Netflix. On fait savoir les dirigeants en dévoilant les résultats du quatrième trimestre de l'année financière de l'entreprise. Or, ça a à peine paru parce que Netflix a atteint une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars et l'arrivée de 8,3 millions de nouveaux abonnés constitue un sommet trimestriel. Accusé d'agression sexuelle, évidemment, pas besoin de vous le rappeler, Spacey n'apparaîtra pas dans le sixième numéro de House of Cards. Après 3 mois de pause, le tournage a repris avec un scénario complètement refait et centré sur le personnage de Claire Underwood, joué par Robin Wright, devenue présidente des États-Unis. Et puis le film Gore, qui était consacré donc à Gore Vidal, ne sera simplement pas terminé. On abandonne, on jette la serviette. Toujours sur Netflix, Netflix et les autres, populaire, voilà, dit-on, les plateformes de vidéos payantes en ligne, nous dit la presse canadienne. Près d'un ménage québécois sur deux était abonné à une plateforme de vidéos en ligne payante en 2017, révèle les résultats d'une enquête dévoilée par le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations, le CFRIO, sur le divertissement en ligne. Pas moins de 48% des ménages de la province ont allongé un paiement mensuel l'an dernier pour regarder les vidéos de services tels que Netflix, Club Illico ou l'Extra de Tout.tv, comparativement à 36% des ménages en 2016. Ces abonnés ont regardé du contenu sur ces plateformes en moyenne 4,6 heures par semaine l'an dernier, alors que ceux qui utilisent plutôt les plateformes gratuites comme YouTube y ont consacré en moyenne 3,7 heures par semaine. Dans l'ensemble, près de 8 adultes québécois sur 10 ont regardé du contenu vidéo sur Internet en 2017, a précisé le CFRIO dans un communiqué. Selon les groupes de recherche, 33% des adultes ont regardé en ligne ou téléchargé des émissions, des séries télé ou des films payants l'an dernier au Québec, comparativement à 22% en 2016. En outre, les dépenses liées au divertissement en ligne progressent elles aussi et 57% des adultes qui payent pour ces services ont déboursé en moyenne entre 10 et 49 $ par mois en 2017, contre 38% un an plus tôt. L'écoute de la musique en ligne, ça n'a pas vraiment rapport avec Television, mais parlons-en parce que je l'ai devant moi, croit elle aussi. Pas moins de 37% des adultes québécois utilisaient des plateformes comme Spotify, Deezer ou Google Play l'an dernier, comparativement à 29% en 2016. À cet égard, les jeunes adultes de 18 à 24 ans sont plus nombreux à écouter la musique en ligne et à la télécharger. Quelques 60% des Québécois de ce groupe d'âge ont téléchargé de la musique l'an dernier, comparativement à 33% pour l'ensemble des adultes. L'enquête a souligné que 70% des internautes qui se sont tournés vers la musique en ligne l'ont fait pendant au moins une heure par jour, ce qui représente une hausse notable par rapport à l'année précédente, pour laquelle ils étaient 43% à le faire. 4 adultes québécois sur 10 ont joué à des jeux vidéo en ligne l'an dernier. Les adultes de 18-24 ans sont plus nombreux à choisir les jeux en réseau, soit sur une console de jeu ou sur un ordinateur à 46%, soit sur des sites de jeux à 34%. L'enquête Net Tendance 2017 du CIFRIO a été réalisée entre le 25 septembre et le 5 octobre auprès de 1003 adultes québécois s'exprimant en français ou en anglais. La marge d'erreur de ces résultats, selon la proportion estimée, est de plus ou moins 3,1% pour la base des adultes et de plus ou moins 3,25% pour la base des internautes. 19 fois sur 20. Hein? Je me croirais vraiment à Radio-Canada avec ces affaires-là. Une coalition de distributeurs veut bloquer les sites de piratage. Pour terminer, c'est un autre article de la presse. Une coalition formée de distributeurs d'accès à Internet, dont Bell, Québécois et Cogeco, et d'organismes culturels, propose une petite révolution en matière de la lutte contre le piratage. La création d'une liste noire de sites de piratage qui serait automatiquement bloquée par tous les distributeurs d'accès à Internet. La coalition a fait la demande au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, aux amis du CRTC, qui superviserait cette liste de sites bloqués. Donc la presse, il va avec un petit article en question-réponse. Que demande la coalition? La coalition Front Jeux Canada propose au CRTC d'instaurer une liste de sites web de piratage qui serait automatiquement bloquée par tous les distributeurs d'accès à Internet. Cette liste serait gérée par une nouvelle agence qui serait supervisée par le CRTC. Un site web pourrait être bloqué en aussi peu que 30 jours. Ça me semble beaucoup, 30 jours, mais OK. Ils ont fait la demande pour protéger les droits de toute la chaîne de l'industrie culturelle, oui, nous dit à l'Association québécoise de production médiatique qui regroupe les producteurs de films et de séries télé au Québec. La QPM est l'un des 29 membres de la coalition, tout comme l'Union des artistes, Radio-Canada, des propriétaires de salles de cinéma et des syndicats. La coalition estime qu'une vingtaine de pays, dont le Royaume-Uni et la France, ont déjà établi des régimes similaires à celui qu'elle propose au CRTC. Est-ce qu'il est possible actuellement de faire bloquer un site web pour piratage? Oui, mais il faut une demande à la Cour fédérale. Actuellement, il n'y a pas de système simple et centralisé pour faire échec au piratage au Canada, nous dit la coalition Front Jeux Canada. Il existe déjà un régime de blocage en vigueur au Canada pour les sites web de pornographie juvénile, qui est un acte criminel. Cette proportion de la coalition met-elle en péril le principe de neutralité du web au Canada, dit demande la presse. Non, selon Pierre Trudel, professeur de droit à l'Université de Montréal, qui est spécialiste du droit des télécommunications. Je cite, « La neutralité du web, c'est-à-dire qu'un fournisseur d'accès Internet puisse modifier ou ralentir certains contenus à sa guise, ça n'a jamais été interprété comme une permission de recevoir du contenu illégal sur le web. » Ensuite, le gouvernement Trudeau est-il d'accord avec la demande de la coalition? Comme le CRTC doit examiner la proposition, le gouvernement Trudeau, qui est en faveur de la neutralité du web, ne s'est pas prononcé sur le fond de la demande, mais il a précisé que le principe de neutralité du web ne s'applique pas au contenu illégal comme les sites de piratage. Quelles sont les inquiétudes soulevées par la demande de la coalition? Le professeur de droit de tantôt voit trois problèmes avec cette proposition. C'est pas le même professeur, c'est Michael Geiss, professeur de droit à l'Université d'Ottawa, je m'en excuse. D'abord, le manque de révision judiciaire. Et de plus, il s'inquiète de la définition du piratage. Il n'aime pas le précédent juridique que ça va faire. Je cite, « Il y a un vrai risque qu'on étende ces demandes à d'autres types de contenus. » Et finalement, le professeur Geiss est loin d'être convaincu que le CRTC a la compétence pour agir en vertu des lois actuelles. Que répond la coalition à ces critiques? La proposition de la coalition prévoit une audience où le site web visé pourrait faire valoir ses arguments. La nouvelle agence ferait ensuite des recommandations au CRTC qui devrait approuver toute modification à la liste de sites web à bloquer. Le site web serait seulement bloqué après la décision du CRTC et un site web pourrait contester la décision devant les tribunaux fédéraux. Le CRTC n'a pas indiqué quelle suite il donnerait, oui, à la demande de la coalition. En théorie, il pourrait convoquer des audiences publiques pour discuter de la demande. Plein d'autres détails sont disponibles dans l'article sur assemblagerequis.com. Nous voilà à la conclusion de Television. Tout à l'heure, on fera Merci Science, dans l'ordre des choses. Mais pour l'instant, on continue avec une musique en fait d'un artiste que d'habitude je saute. Quand j'écoute le chiptune, parce que bon, j'écoute vraiment beaucoup de chiptune pour réussir à trouver ce que je considère comme bon pour jouer Mathieu Planchot. D'habitude, Clam, je le saute parce que j'aime rarement ce qu'il fait. Mais celle-là, je la trouvais bonne, donc écoutons-la. C'est par Clam, donc Megalithic, au Mathieu Planche. We'll be right back. 89. PSS270 avec Micro Music Work 05. On m'a dit Blanchot maintenant, c'est merci science. Merci science, c'est la chronique qui remercie la science d'exister. On commence avec une synapse artificielle pour reproduire le fonctionnement des neurones. Des chercheurs ont conçu une synapse artificielle et ils ont pu contrôler avec précision la force du courant qui la traverse et ainsi reproduire de façon uniforme et stable le fonctionnement des neurones du cerveau humain. Une puce basée sur de telles synapses a démontré des performances déjà impressionnantes, un pas important vers le développement des processeurs neuromorphiques. Avec l'ordinateur quantique, les processeurs neuromorphiques sont l'une des pistes technologiques les plus prometteuses dans le développement de l'intelligence artificielle, dont les progrès sont liés à la capacité de traiter en temps réel un volume important de données hétérogènes. En simulant le fonctionnement des neurones et des synapses du cerveau humain, une puce neuromorphique pourrait réaliser des millions de calculs parallèles dont seuls les supercalculateurs sont aujourd'hui capables. Cette puissance colossale tiendrait dans un processeur de téléphone intelligent, par exemple. Il existe déjà des processeurs neuromorphiques, notamment dans les laboratoires de IBM et d'Intel, mais qui sont encore balbutiants. L'une des difficultés techniques auxquelles sont confrontés les chercheurs tient à la capacité de reproduire le fonctionnement des synapses. Les synapses qui véhiculent les signaux transmis à travers le cerveau et les neurones s'activent en fonction du nombre et du type d'ions circulant à travers le synapse. Des chercheurs du MIT, qui est comme toujours le Massachusetts Institute of Technology, viennent d'obtenir des résultats probants dans la création d'une synapse artificielle dont ils ont réussi à uniformiser le fonctionnement en contrôlant avec précision la force du courant électrique qui les traverse, répliquant le comportement des canaux à ions. C'est en jouant sur le type de matériau employé, un alliage de silicium-germanium, qu'ils ont trouvé la solution. Dans la publication scientifique parue dans Nature Materials, l'équipe du MIT explique comment les processeurs neuromorphiques actuels tentent de répliquer les connexions synaptiques entre les neurones en ayant recours à deux couches conductrices séparées par un matériau amorphe qui joue le rôle de commutateur. Lorsqu'une tension est appliquée, les ions circulent à travers ce matériau et créent des filaments conducteurs qui imitent la force, ou la faiblesse d'un signal entre deux neurones. Une façon assez rudimentaire de reproduire la plasticité cérébrale. Le problème avec la méthode dont je viens de parler, c'est que la circulation des ions n'est pas structurée et que les signaux peuvent donc emprunter un nombre infini de canaux. Résultat, les performances des processeurs neuromorphiques sont inconsistantes et imprévisibles. C'est précisément le problème de non-uniformité que les chercheurs du MIT ont réussi à résoudre. Pour cela, ils ont créé des treillis de silicium-germanium avec des canaux unidimensionnels à travers lesquels les ions peuvent circuler de manière prévisible. Cela garantit que le même chemin est utilisé chaque fois. Pour créer des synapses artificielles, donc, les scientifiques sont partis d'une plaquette, ce qu'on appelle en anglais « wafer », ce qui, de retour en français, s'appellerait une gaufrette, de silicium gravé avec un motif s'apparentant à du grillage à poule. Ils ont ensuite reproduit ce schéma, mais en un peu plus grand, sur une couche de silicium-germanium qu'ils sont venus placer au-dessus de leur gaufre, de leur gaufrette. Le léger décalage de taille entre les deux motifs crée un canal unique en forme d'entonnoir à travers lequel les ions peuvent circuler. Les chercheurs ont alors pu fabriquer une puce neuromorphique avec ces synapses artificielles mesurant chacune environ 25 nanomètres de côté. Ils ont ensuite éprouvé celle-ci en appliquant une tension sur chaque synapse et constaté qu'elle présentait plus ou moins le même courant avec une variation d'environ 4% entre les synapses. Une seule synapse à laquelle la même tension est appliquée plus de 700 fois a varié de seulement 1%. Autrement dit, le fonctionnement de ces synapses s'avère beaucoup plus uniforme. Pour terminer, l'équipe du MIT a réalisé une simulation informatique d'un réseau neuronal artificiel formé de trois couches neuronales connectées par deux couches de synapses artificielles et dont les propriétés ont été définies à partir des caractéristiques de la puce neuromorphique. Ce réseau neuronal a été alimenté avec des dizaines de milliers d'échantillons d'écriture manuscrite qu'il lui fallait apprendre à reconnaître. Bilan, le taux de réussite a atteint 95%, sachant que les meilleurs logiciels existants sont à 97%. Pour les chercheurs, l'étape suivante va consister à fabriquer un processeur neuromorphique qui puisse reproduire les résultats de la simulation, avec en ligne de mire la création de réseaux neuronaux qui pourront fonctionner dans des terminaux mobiles. Ils veulent une puce aussi grosse qu'un ongle pour remplacer un gros supercalculateur. On leur souhaite tout le succès du monde. On change mais complètement de sujet. La masturbation est-elle bonne pour vous? Ah, enfin une réponse scientifique. Une question d'importance à laquelle répond ASAP Science. Malgré de nombreuses croyances populaires affirmant que la masturbation peut causer l'infertilité et même la cécité, une étude a montré qu'il faudrait vraiment soutenir un rythme effréné pour atteindre de tels symptômes. La masturbation permet donc de relâcher dans le corps de la dopamine, un neurotransmetteur qui active la zone du plaisir dans le cerveau, et des endorphines qui diminuent la perception de la douleur. Pour les femmes, ça permet de réduire les douleurs des règles, et avec la libération de l'hormone prolactine, elles dorment mieux après. Quant aux hommes, il a été prouvé, même si la cause échappe toujours aux scientifiques, qu'une fréquence régulière d'éjaculation diminue les risques de cancer de la prostate. Et ce n'est pas la seule raison qui explique l'apparition de la masturbation chez les humains et chez certains animaux. Des études ont montré que cette pratique pourrait être en réalité une stratégie pour améliorer l'état de forme générale des spermatozoïdes en expulsant les plus vieux plus régulièrement. Mais attention, si c'est un bon moyen de faire travailler les muscles et que vous utiliseriez, oui, pour faire l'amour avec un autre partenaire, il vous faut absolument, comme l'explique la chaîne ASAP Science, varier les techniques. En procédant toujours à l'identique, vous pourriez vous rendre insensible à tout autre type de stimulation sexuelle, ce qui serait bien sûr dommage. On reste dans le domaine, dans le sens que la masturbation, ça fait sortir du sperme et le sperme permet de tomber enceinte. Donc, on parlait de césarienne. Hein, ça n'a absolument rien à voir. Césarienne, donc, plus de risques d'obésité et d'asthme pour l'enfant. Nous rapporte Futura Science, des chercheurs de l'Université d'Édimbourg ont passé en revue les données de 80 études correspondant à 29 millions de naissances. Ils montrent que la césarienne accroît le risque d'asthme et d'obésité chez l'enfant et de complications lors d'une grossesse ultérieure pour la mère. Depuis une trentaine d'années, il y a de plus en plus de césariennes dans le monde. Hein? On dit qu'en France, une naissance sur 5 en moyenne a lieu par césarienne. Ça la met dans la moyenne basse de l'Europe. Les disparités sont assez importantes entre les différents pays européens, comme l'a montré une étude de 2015. En Italie, oui, les césariennes représentent 38% des naissances. Le maximum est en Chypre à 52% et le minimum en Islande à 15%. Bref, pour cette méta-analyse, les chercheurs ont épluché les résultats d'un essai clinique randomisé, donc au hasard, contrôlé quand même, et de 79 études d'observation. En tout, 29 928 274 personnes étaient concernées. Ça, c'est une étude. Les résultats ont montré que les enfants nés par césarienne avaient 21% de risque en plus de souffrir d'asthme à 12 ans et 59% de risque en plus d'obésité à 5 ans. Ces résultats peuvent s'expliquer par le fait que la césarienne influence le développement du système immunitaire et de la flore intestinale des enfants. De plus, certaines femmes ont recours à la césarienne parce qu'elles sont elles-mêmes obèses. L'étude a aussi trouvé que les femmes qui ont eu une césarienne ont plus de risques de souffrir de complications lors d'une grossesse ultérieure, 17% plus de risque d'avoir un enfant mort-né, 27% de plus de risque de fausse couche, 74% de plus de risque de placenta previa, qui est la localisation anormale du placenta, et 38% de risque d'hématome rétroplacentaire, ça c'est le décollement du placenta avant la naissance. Quant au risque de placenta accreta, ça c'est une insertion anormale du placenta qui se place trop profondément jusque dans le myomètre. Je comprends rien de tout ça, mais c'est pas grave. Il est même triplé lors de la grossesse suivant la césarienne, ça m'a l'air dramatique. Mais cette recherche a aussi mis en évidence que la césarienne semble limiter le risque d'incontinence urinaire de 56% et de prolapsus vaginal, ça c'est la descente d'organes, de 29%. Suite à la publication de ces résultats dans PLOS Medicine, Stefan Hansen, professeur de gynécologie et d'obstétrique à l'université de Lund, a réagi dans un article de The Conversation. Il s'inquiète notamment des conclusions qui laissent penser que la césarienne soit un moyen d'éviter des problèmes tels que l'incontinence urinaire ou la descente d'organes. D'après lui, les réseaux sociaux, les magazines ont tendance à véhiculer l'idée que la césarienne prévient ce type de problème, ce qui contribue à un accroissement de la demande pour des césariennes. Or, ces problèmes pelviens peuvent être traités. C'est tout l'objet de la rééducation du Pyrénées. Du Pyrénées. Les risques... Pyrénées, c'est une région montagneuse, hein, c'est ça? Les risques que fait courir la césarienne sur une grossesse ultérieure, comme les fausses couches, le placenta previa et le placenta accreta. C'est pas une sorte de biscuit, ça, les placenta previa, il me semble. Placenta accreta et autres doivent aussi être prises en considération. Ça, c'est un gag avec un pensez-y bien à assez long terme. Ensuite, les enfants dorment peu. Dorment moins, un petit peu moins, les nuits de pleine lune. Je pensais trop à mon gag de... Très bien. Les enfants ne sont pas plus actifs à la pleine lune qu'à la nouvelle lune. Cependant, d'après une étude portant sur plus de 5800 enfants vivant dans différents pays du monde, ils dormiraient 5 minutes de moins les nuits de pleine lune. L'idée que la lune a un effet sur le comportement des humains n'est pas nouvelle. Elle a nourri les légendes populaires comme celle du loup-garou. Chez les animaux, il existe un exemple de l'influence du cycle lunaire sur le comportement. Chez les vers marins palolos, à un certain moment de l'année, les mâles et les femelles se séparent de la partie de leur corps qui porte les gamètes. Ce phénomène a lieu pendant le dernier quartier du cycle lunaire. Chez les humains, en revanche, les preuves de l'influence de la lune sur le comportement sont faibles. Les chercheurs du Children's Hospital of Eastern Ontario Research Institute à Ottawa ont voulu s'attaquer au mythe selon lequel les enfants seraient hyperactifs au moment de la pleine lune. 5812 enfants âgés de 9 à 11 ans vivant dans 12 pays ont participé à leur étude. Ils provenaient des 5 continents, puisque les pays représentés étaient les suivants: Australie, Brésil, Canada, Chine, Colombie, Finlande, Inde, Kenya, Portugal, Afrique du Sud, Royaume-Uni et États-Unis. Pour savoir si les enfants étaient plus actifs au moment de la pleine lune, les chercheurs les ont munis d'un accéléromètre, c'est-à-dire un appareil qui enregistre leur activité et permet de suivre leur sommeil 24 heures par jour pendant au moins 7 jours. 3 phases lunaires ont été étudiées: la pleine lune, la nouvelle lune et la demi-lune. Les résultats parus dans Frontiers in Pediatrics, Pediatrics, montrent que l'activité des enfants, qu'il s'agisse du temps passé à des activités modérées, intenses ou du temps sédentaire, était similaire à la pleine lune et à la nouvelle lune. Il n'y avait donc pas de lien entre la pleine lune et le niveau d'activité des enfants, ce qui va à l'encontre du mythe selon lequel ils sont excités au moment de la pleine lune. Cependant, ils dormaient environ 5 minutes de moins les nuits avec pleine lune par rapport aux nuits de la nouvelle lune. Cela représente environ 1% de sommeil en moins, ce qui reste quand même peu important. Les chercheurs ne savent pas pourquoi les enfants dormaient moins à la pleine lune. Une possibilité est que ce soit lié à la luminosité. Cependant, vu la quantité de lumière artificielle présente dans les sociétés modernes, cette explication semble peu plausible, nous dit Futura Science. Il est à noter que cette étude a été réalisée sur un temps court, ce qui peut gêner les résultats. Mais on dit que ça fournit des preuves solides que les associations entre les phases de lune et la durée du sommeil, mais aussi les comportements actifs des enfants, ne sont pas significatives du point de vue de la santé publique. D'autres recherches sont donc nécessaires pour savoir si la biologie humaine est liée ou pas au cycle lunaire, et l'article ne mentionne absolument pas si on peut donner des demi-lunes de vachon aux enfants avant de se coucher, mais je pense que non. Les moustiques apprendraient à rester loin de ceux qui veulent les tuer. Ils font bien. Selon une étude récente publiée dans le journal Current Biology, réalisée auprès de 2700 à 3000 de ces insectes, hein? Ok, oui, on leur a pas demandé leur opinion, là. J'imagine qu'on a étudié les insectes, hein. C'est drôlement formulé. Il semblerait que ceux-ci soient capables d'apprendre. Voilà. Cette étude a voulu comprendre comment ils apprennent à piquer certains humains plutôt que d'autres. Les chercheurs ont découvert que les moustiques Aedes aegypti, les principaux vecteurs de la du virus Zika, du chikungunya et de la fièvre jaune, identifient les humains à leur odeur et peuvent associer les odeurs à des interactions précédentes et déplaisantes comme les coups. Et ce, pendant au moins 24 heures. Je cite, se défendre contre les moustiques peut aider, que vous touchiez effectivement ou non le moustique visé. Autrement dit, tenter d'écraser les moustiques pourrait être un répulsif plutôt efficace. Je cite encore, comprendre ces mécanismes d'apprentissage et de préférence chez les moustiques pourrait nous offrir de nouveaux outils pour le contrôle des moustiques. Par exemple, nous pourrions cibler la faculté des moustiques à apprendre et à l'altérer ou l'exploiter à notre avantage. La clé, donc, c'est la dopamine. Les chercheurs ont découvert que des moustiques qui manquent de récepteurs à la dopamine n'apprennent pas les odeurs de leur hôte. Je cite encore, « Maintenant que nous comprenons mieux de quoi sont capables les moustiques, il nous faudrait découvrir comment appliquer ces connaissances pour améliorer nos stratégies de contrôle et nous défendre plus efficacement contre les maladies que ces moustiques transmettent. » À noter, si cette étude est effectivement prometteuse, tous les moustiques ne réagissent pas de la même manière. Quelqu'un de l'Université de Washington, qui a aussi participé à l'étude, dit qu'il n'a pas, par exemple, pas été possible d'empêcher les moustiques qui transportent la fièvre du Nil occidental d'approcher les humains, malheureusement. Tout ça, ça reste à suivre. Un article de Uber Gizmo. Voilà pour ce bloc de Merci Science. Tout à l'heure, on fera Cynix, le segment geek. Mais avant ça, on écoute du chiptune, bien sûr. Voici Gar Wolf avec The Shortest Day au Mathieu Planchon. Thank you. C'était Without the Misjudged Ease. Ouais, je m'étais pratiqué avant, mais ça m'a sorti. Without the Misjudged Ease par Kune. Oh, Mathieu Planchot. Maintenant, c'est le segment Geek Scenic. CNX, c'est le segment de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. Hein, on commence avec un bout de caoutchouc, bizarre quand même, mais qui est un robot miniature. Ah. En Allemagne, des chercheurs de l'Institut Max Planck ont créé un étonnant robot de quelques millimètres qui se présente sous la forme de banal morceau de caoutchouc. Pourtant, il marche, saute, rampe, roule et nage. C'est plus que moi. Un candidat idéal pour des missions médicales à l'intérieur d'un corps humain. Ça a amené la chanson du bus magique. Au départ, ce n'est qu'une simple petite bande de caoutchouc d'à peine 4 mm de long. Pourtant, sous cette apparence anodine se cache un robot miniature ou un micro-robot aux capacités motrices étonnantes et qui pourrait bien un jour se promener à l'intérieur de notre corps pour diffuser des traitements ou pratiquer de la microchirurgie. Ce mini-robot, c'est comme ce qu'on l'a nommé, a été créé par une équipe de chercheurs de l'Institut Max Planck for Intelligent Systems, amené par le professeur Metin City. On dirait un jeu, genre d'ordinateur des années 90, et je m'en vais jouer à Metin City. Cette invention très prometteuse a eu les honneurs d'une publication dans la prestigieuse revue Nature. Une fois de plus, c'est justement Mère Nature qui a inspiré la conception de ce robot mou. Je cite... Notre mini-robot est un mélange de petits animaux à corps mou comme une larve de coléoptère, une chenille, un spermatozoïde et une méduse. Le mini-robot est capable de marcher, ramper ou rouler sur un terrain accidenté, c'était le trifluvien qui sortait ici, le rouler, sur un terrain accidenté, de saisir et transporter un objet, de nager sur ou sous l'eau et de quitter l'environnement aquatique pour la terre ferme sans aide extérieure. Autant de capacités qui le rendent particulièrement adapté pour se déplacer, par exemple dans les systèmes digestifs, urinaires ou même vasculaires. Mais comment se déplace-t-il? Les chercheurs ont composé en fait une pâte à base de polymère élastique dans laquelle ils ont incorporé des particules magnétiques. Ces dernières ont été programmées pour réagir à un champ magnétique et modifier le gainage du robot afin d'induire le mode de locomotion voulu. Cette configuration particulière confère à l'engin une mobilité inédite pour ce type de robot miniature. Je cite, « Les robots à petite échelle existants ont une mobilité très limitée car ils sont incapables de négocier les obstacles et les changements de texture ou de matériaux dans des environnements non structurés. » De taille millimétrique, ce robot pourrait transporter un médicament pour aller le libérer de façon ciblée. Les chercheurs envisagent deux possibilités. Soit le robot s'agrippe, agrippe son chargement, oui, pour le transporter, ou le robot intègre une poche qui s'ouvrirait sous l'effet d'un changement de forme spécifique. Le professeur et son équipe veulent aller encore plus loin et créer un robot de quelques dizaines de micromètres afin, disent-ils, de pouvoir atteindre n'importe quel recoin de notre corps. L'autre objectif qu'ils se sont fixé est de faire en sorte que le robot soit biodégradable afin de pouvoir se dissoudre dans le corps sans risque toxique. C'est absolument incroyable. Ensuite, on parle d'images 3D et on va de Star Wars à la réalité. Hein? On est presque rendu dans Star Wars. Les chercheurs veulent développer un système de production d'images en 3D façon Guerre des étoiles, s'inspirant de la projection de la princesse Leia qui apparaît dans la saga. Elle présente donc aujourd'hui, maintenant là, dans le présent, les premiers résultats de leur projet. La projection 3D est une technologie qui a longtemps appartenu évidemment à la science-fiction, comme disent chaque article du web, et si quelques tentatives d'imitation ont vu le jour au fil des années, celle proposée maintenant par les chercheurs de l'université de Brigham Young aux États-Unis est peut-être la première qui puisse espérer avoir quelques applications. Précisons d'abord que, contrairement à ce qui est parfois affirmé, la fameuse projection 3D de la princesse Leia n'est pas un hologramme au sens strict, lequel, pour les physiciens, résulte d'une interférence entre des faisceaux d'ondes lumineuses. En revanche, une image en 3D flottant dans les airs et que vous pouvez observer sous tous les angles est ce que les spécialistes appellent une image volumétrique. Celle-ci se forme sur un écran en trois dimensions composé de minuscules surfaces qui diffusent la lumière. Pour arriver à leur fin, les chercheurs américains ont exploité un phénomène connu sous le nom de photophorèse. Celui-ci permet de manipuler, grâce à la lumière, de petites particules en suspension dans l'air. Dans le système imaginé par l'université de Brigham Young, un faisceau laser à peine visible piège une particule, puis la déplace. Le système sculpte ainsi dans l'air un nuage de poussière formant une image en 3D. Une série d'autres lasers colorés rend alors l'image visible. Le dispositif peut être envisagé comme une imprimante 3D à encre de lumière. Il dessine des objets dans les airs suffisamment rapidement pour que nos yeux les voient comme d'authentiques images, volumétriques. Même si le dispositif reste à optimiser, les chercheurs américains lui imaginent déjà des applications dans le monde de la médecine notamment. Ensuite, une puce qui copie notre cerveau pour rendre les intelligences artificielles plus efficaces. Pour pouvoir traiter plus d'informations avec la même somme d'énergie, des chercheurs ont conçu une puce s'inspirant de l'architecture de notre cerveau. Plutôt que d'utiliser des 0 et des 1, elle fait varier l'intensité des signaux électriques avec des résultats déjà prometteurs. L'intelligence artificielle avance à pas de géant, mais l'architecture des processeurs chargés de calculs qui y sont attachés progresse finalement très peu. Dans cette course à la puissance, une équipe de chercheurs du MIT, encore, vient toutefois de réaliser une belle avancée. Ils ont mis au point une puce qui s'inspire du design de notre cerveau. Le but est de consommer beaucoup moins d'énergie que le font les processeurs actuels. Malgré leur sophistication, les puces utilisées dans nos ordinateurs et nos téléphones intelligents restent binaires. Les informations y circulent sous la forme de 0 ou de 1, donc on ou off. La puissance électrique nécessitée par chaque impulsion est toujours la même et livre donc une somme identique d'informations. La solution proposée par les chercheurs du MIT s'inspire quant à elle directement du fonctionnement de nos synapses. Plutôt que d'envoyer ou non du courant, des 0 ou des 1, la puce envoie des signaux dont l'intensité électrique varie. C'est exactement de cette manière que fonctionnent les synapses qui relient nos neurones entre eux. Ce type de communication permet de transmettre bien plus d'informations en une seule impulsion électrique que lorsqu'on utilise un système binaire. Un parallèle peut être fait en comparant ces deux principes au morse et au langage oral. S'exprimer en morse avec des points et des tirets est fiable, mais ça prend du temps. En comparaison, il est plus difficile d'interpréter une expression orale, mais chaque énonciation contient bien plus d'informations. Le principe semble facile à appliquer sur le papier, mais encore fallait-il pouvoir le mettre en pratique. C'est exactement ce qu'a réalisé l'équipe du MIT avec sa puce neuromorphique. Pour maîtriser l'intensité des signaux, elle s'est basée sur des formes cristallines de silicone et de germanium qui ressemblent à une sorte de maillage microscopique. Ça ressemble étrangement à l'article que j'ai lu tantôt, hein, parce que c'est le même sujet. Hein. Ce treillis constitue alors une sorte de sentier que peuvent emprunter les signaux électriques. Ça m'apprendra de ne pas lire l'article jusqu'à la fin. Mise à l'essai, la puce est efficace, utilisée pour entraîner un réseau neuronal à reconnaître les écritures manuscrites. Elle a permis d'atteindre une précision de 95%, comme je le racontais tout à l'heure. Des chercheurs travaillent sur une intelligence artificielle pouvant prédire la mort. Parfois, les médecins annoncent à leurs patients, oui, le temps qu'il leur reste à vivre. Ces prédictions ne sont pas toujours très précises. D'aucuns vivent plus longtemps quand d'autres, malheureusement, meurent plus tôt que prévu. Les chercheurs travaillent sur une intelligence artificielle qui serait un petit peu plus précise. À Stanford, des scientifiques ont conçu un système basé sur l'intelligence artificielle pour prédire assez précisément le temps qu'il reste à vivre à un patient très gravement malade. Le papier se nomme Palliative Care with Deep Learning. C'est disponible en ligne pour les curieux sur assemblagerequis.com. On peut y lire notamment, je cite, « Améliorer la qualité des soins de fin de vie pour les patients hospitalisés est une priorité pour les organisations de la santé. Des études ont montré que les médecins ont tendance à surestimer leurs pronostics, ce qui, en combinaison avec l'inertie du traitement, induit un décalage entre le souhait des patients et les soins effectivement prodigués en toute fin de vie. Cette intelligence artificielle a été créée et entraînée en utilisant plus de 2 millions de dossiers, permettant notamment de découvrir des schémas récurrents là où les médecins en sont incapables. Cela étant dit, le système n'est évidemment pas précis à 100%, mais les chercheurs affirment avoir un modèle à 90% quand même. Maintenant, vous pouvez vous glisser dans la peau d'une personne de 80 ans. C'est ça. Depuis 2012, le réseau AdHap Services mène une campagne nationale d'information visant à sensibiliser le grand public à la perte d'autonomie grâce à la combinaison un simulateur de vieillissement. Dans le prolongement de l'opération Testez-vous à 80 ans, les Français ont désormais la possibilité au sein des centres AdHap Services de se glisser dans la peau d'un octogénaire via un dispositif de réalité virtuelle qui s'appelle Virtual Age. Votre casque est donc ajusté, le film est lancé, et vous voilà chez Martine, 87 ans, hein, on connaît tous quelqu'un qui s'appelle Martine à 87 ans, qui au fil de sa journée se trouve confronté aux risques domestiques. Découvrez les limites physiques, cognitives et les écueils de son quotidien à domicile. Le dispositif permet désormais au grand public d'expérimenter en réalité virtuelle et en vidéo 360 la perte d'autonomie d'une personne âgée. Une expérience nouvelle et étonnante à vivre en France. Partant du constat que 9 Français sur 10 souhaitent vieillir à domicile, à l'App Service a décidé d'utiliser les nouvelles technologies au service du bien vieillir à domicile. En effet, toutes les 2 minutes en France, une personne âgée vivant à domicile fait une chute accidentelle et près de 12 000 personnes décèdent d'une chute. Rampe d'accès, monte, escalier, douche à l'italienne sont autant d'aménagements indispensables pour permettre aux personnes fragilisées de vivre le plus longtemps possible à domicile dans les meilleures conditions de sécurité, de confort et de dignité. Grâce au dispositif Virtual Age, le grand public et plus particulièrement les aidants familiaux sont sensibilisés aux risques domestiques et reçoivent les conseils d'AdHap Service en matière de sécurisation du domicile. Voilà. Plus d'un tiers des entreprises concernées par le porno au boulot. Hein? Le monde du travail dans le domaine de l'industrie pornographique est un scénario courant. La secrétaire, la stagiaire, la collègue, souvent des femmes. Hein? Il existe des milliers d'exemples et ils n'aident en rien la lutte contre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Mais il existe aussi un phénomène un peu différent qui mélange les mêmes mondes, c'est-à-dire regarder de la porno au boulot. Le Daily Mail britannique dévoilait le 22 janvier dernier une étude de la firme spécialisée dans la sécurité informatique OneLogin qui devrait inquiéter hein, certaines firmes. Le sondage réalisé par OneLogin a interrogé près de 6000 directeurs des services informatiques du Royaume-Uni et les résultats sont assez étonnants. 41% d'entre eux ont déclaré qu'un pourcentage élevé d'employés ont déjà accédé à des sites pornographiques sur leur ordinateur de travail. Si certains ont été sans aucun doute touchés par des publicités et des pop-up douteux, moi touché par ça et d'autres ont fort probablement décidé de regarder un film porno de leur propre chef. S'ils regardent pas de leur propre chef comme dans leur boss, hein, si regarder des films pornographiques au travail a déjà un problème, notamment quand on perd du temps. La question se pose au niveau de la sécurité des sites. Ces derniers sont reconnus pour être des niches de programmes malveillants et des virus en tout genre. En accédant à ces sites, les employés ouvrent la voie à des attaques. Toujours selon OneLogin, près d'un tiers des entreprises interrogées, on parle de 29%, ne surveillent pas le trafic Internet de leurs collaborateurs et 36% ne prévoient pas de formation sur les risques sur Internet et sur la sécurité. Donc un problème puisque la firme, selon la firme, oui, réparer une fuite de données coûte en moyenne 2,8 millions d'euros. Sans surveillance, les employés utilisent massivement des sites dangereux comme les sites pornographiques ou encore les sites de paris en ligne. On parle de 45% des directeurs de services informatiques qui déclarent que leurs employés y accèdent et les sites de streaming illégal à 35%. Le sport connecté, maintenant, inquiète le Pentagone ou Pentagone ou peu importe. C'est un article de l'agence France-Presse. Le Pentagone qui a vite réagi après la publication d'une carte dévoilant les bases et les déplacements de ses soldats en zone de guerre et a promis de passer en revue les procédures. Cette carte, créée par une application pour téléphone mobile de Strava Labs, montre le mouvement de ses usagers dans le monde entier. Ça peut être rassurant pour un jogger ou une cycliste de laisser des proches connaître sa route, mais c'est peut-être pas la même chose pour les bases militaires basées en Irak, en Afghanistan ou même en Syrie. Donc, je cite, « Nous allons jeter un œil sur notre règlement en la matière pour être certain de notre sécurité opérationnelle et de la protection de nos forces. » La publication récente de données souligne le besoin d'être conscient de son environnement. Donc, tout ça pour dire que les militaires déployés dans des zones de conflit ou sur des bases plus ou moins secrètes devraient faire preuve de plus de prudence. L'usage de téléphones intelligents, de bracelets connectés mesurant les performances sportives, mais aussi des réseaux sociaux ont compliqué la tâche des responsables de la sécurité des forces armées qui mettent régulièrement en garde les militaires et leurs familles contre le partage d'informations sensibles sur des plateformes non protégées. Pour un observateur averti, les réseaux sociaux en particulier sont une aubaine pour collecter des informations sur les localisations des troupes, l'endroit où vivent leurs familles, des informations gênantes ou intimes. De manière générale, la recommandation aux militaires est d'utiliser les réglages permettant le maximum de discrétion, selon le porte-parole du Pentagone. Justement, parlant de vie privée, Samsung projette d'authentifier les utilisateurs de smartphones ou de téléphones intelligents grâce à leur veine. Un brevet déposé par le fabricant sud-coréen veut s'appuyer sur des marqueurs biométriques comme le rythme cardiaque, le tonus artériel ou les durées de contraction et de relâchement du cœur. Après l'empreinte digitale, le visage et l'iris, l'authentification biométrique des futurs smartphones de Samsung se fera peut-être à partir de l'analyse de la circulation sanguine. C'est en tout cas ce que suggère un brevet déposé par le groupe aux États-Unis en juillet 2016 et déniché par GalaxyClub.nl. Ça s'appelle « Real-Time Authentication Based on Blood Flow Parameters », une technique qui s'appuie sur des capteurs intégrés dans les terminaux informatiques, téléphones intelligents, montres intelligentes, bracelets d'entraînement, pour relever des marques physiologiques, morphologiques ou statistiques dans la manière dont circule le sang. Parmi les marqueurs biométriques envisagés figurent le rythme cardiaque, le tonus artériel, comme je disais tantôt, le taux d'oxygène, les durées de contraction et de relâchement du cœur. Bref, la description du brevet ne donne que peu de détails quant à l'efficacité ou la rapidité de cette technique d'authentification. Il est seulement indiqué que les voies de conduction artérielle de différents utilisateurs ne sont presque jamais identiques. Évidemment, l'existence d'un brevet ne veut absolument rien dire. Alors, en tout cas, le fabricant n'est le seul. Ouais, OK. Je comprends la négation. À envisager ce type d'authentification, en septembre 2017, des chercheurs avaient déjà présenté une méthode baptisée Cardiac Scan, basée sur l'analyse des battements cardiaques par effet Doppler. L'avantage des données biométriques liées au cœur ou au système artériel est qu'ils ne sont pas aussi facilement accessibles que le visage, l'empreinte digitale ou l'iris, que les pirates peuvent assez facilement déceler dans des photos pour mener des attaques. On parle de Tinder maintenant. Tinder en cours. s'est fait revirer de bord, s'est fait swiper à gauche, comme on appelle. Tinder Inc. en Californie ne pourra plus charger aux utilisateurs plus âgés plus d'argent que les jeunes pour ses services premium. C'est ce que la Californie a dit. Trois juges de la Los Angeles Superior Court, donc la Cour supérieure de Los Angeles, a renversé un procès précédent et qui avait permis à Tinder Inc. de charger aux clients qui avaient plus de 30 ans $20 US par mois pour Tinder Plus, alors que les gens de moins de 30 ans, eux, payaient entre 15 et 10 ou même 10 $ par mois pour la version premium de Tinder Plus. C'est encore plus cher pour la version Tinder Gold. Là, j'ai regardé tantôt la version, quand en tout cas mon âge, hein, c'est de 41 $ par mois. Tinder Plus. Une application de dating qui te garantit en aucun temps que tu vas avoir des matchs et qui... Mais après ça, si t'as des matchs, ça te garantit même pas que tu vas avoir une conversation. C'est payé vraiment dans le vide. Bref, la décision de la cour, c'est le juge Brian S. Curry qui l'a écrit. Ça commence avec un résumé de comment Tinder fonctionne. Et on dit, bon, donc, que l'application à l'origine, qui est toujours offerte, était gratuite, présente aux utilisateurs des photos de dates potentielles. Les gens peuvent swiper à droite pour approuver, à gauche pour désapprouver. Bref, pendant le test, ils ont appris que l'utilisateur plus jeune, qui était aussi excité pour Tinder Plus, mais n'avait pas autant d'argent pour payer, c'est ce que Tinder disait. Il leur chargeait moins cher pour tirer la gâchette, donc pour s'inscrire à Tinder Plus. T'es plus jeune, t'as moins d'argent, donc tu payes moins cher. C'est comme ça qu'on faisait ça. Bref, la cour a rejeté cet argument, disant que c'est de la discrimination basée sur l'âge. Tout à fait, hein? Donc, la cour a noté deux violations des lois. Le Unruh Civil Rights Act de la Californie qui empêche la discrimination basée sur l'âge et le Unfair Competition Law de la Californie qui empêche des pratiques d'affaires injustes ou contre la loi. Je traduis à peu près, là, c'est probablement pas ces termes-là en français, mais bon, hein, on comprend ce que ça veut dire. C'est la ligne terminale, la ligne finale. On ne pourra plus faire ça. Évidemment, c'est en Californie, donc est-ce que ça va aller... à l'extérieur de la Californie, aux États-Unis, est-ce que ça va se rendre au Canada? J'en ai aucune idée. Mais pour l'instant, il écrit, et je cite, il a écrit ça dans son jugement, « Accordingly, we swipe left and reverse. » Donc, nous swipons, glissons par la gauche et nous renversons la décision de la cour inférieure, si je peux m'exprimer ainsi. Allez, parlons d'insolites un petit peu ou de nouvelles fofolles. Il y a un concierge... qui apparemment qui travaille dans une firme de cotes de jeux vidéo qui a presque pensé que les nouveaux cartons de Nintendo Labo étaient à jeter. Avez-vous peut-être entendu parler de Nintendo Labo? C'est les nouveaux gadgets en carton dans lesquels on insère les manettes de la Nintendo Switch pour, par exemple, jouer du piano, guider une auto téléguidée, construire un gros robot. Et là, ben, tu vois ton personnage ou l'élément dans le jeu à l'écran. C'est vraiment très très cool. Bref, Nintendo Labo, un produit, je dirais, assez original de matériel et de logiciel, donc de carton. Le développement, ça a rendu confus hein, quelqu'un en Allemagne, au German Entertainment Software Self-Regulation Body, ou le USK, comme on l'appelle. Il pensait que les échantillons étaient des déchets et a failli les jeter. Hein? On a pu enfin raconter l'histoire sur Twitter, sur le compte du USK. Donc, c'est l'histoire du personnel de nettoyage de conciergerie qui a presque jeté donc le matériel de Nintendo dans le réceptacle à déchets. Hein? Donc, lorsque le labo va arriver, vous allez pouvoir peut-être voir que ça ressemble à des boîtes de déménagement. On dirait que t'as pas fait le ménage après ton déménagement. Mais c'est quand même un gadget vraiment cool. Un petit peu, beaucoup cher, par contre. Genre 80$, certains de ces gadgets-là, US. Ça vient avec le jeu, ça vient avec tout ce qu'il te faut, en fait. T'as pas besoin d'absolument rien. Quand tu l'achètes, t'as pas besoin d'aller chercher tes ciseaux ou rien. T'as pas besoin de tournevis, de colle. Tout est inclus dans la boîte, mais quand même, c'est vraiment cher. Mais ça a l'air cool. Voilà pour le segment Geek CX. Les liens sont sur assemblagerequis.com, comme si je vous apprenais quelque chose. Il nous reste encore le segment Tout ce qui bouge, avec des nouvelles de tout ce qui bouge, finalement. Mais avant ça, on écoute une autre pièce de Amateur SDJ qu'on a entendu en début d'émission et que j'aime beaucoup. Voici la pièce Subtle. Ça se passe tout de suite au Mathieu Plante Show. C'était Sidago par Kune. Cette pièce-là m'a fait rire quand je l'ai entendue la première fois, mais maintenant je la regrette un petit peu. On va se laver les oreilles un petit peu avec une autre chanson. Voici Cangrejo avec Memorious Crab Sound. Au Mathieu Plancheau. Cangrejo avec Memorious Crab Sound. Vous pouvez entendre l'album au complet sur cangrejo.bandcamp.com. cangrejo.bandcamp.com. Maintenant, c'est tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge, c'est la chronique de tout ce qui bouge. Et on commence avec un petit robot éducatif qui bouge. Mais c'est vraiment cool, vous allez voir. Texas Instruments qui présente donc son tout premier robot éducatif, le TI Innovator Rover. Oui, TI comme dans Texas Instruments, comme dans les calculatrices que vous aviez au secondaire. Hein? Donc TI qui annonce maintenant la sortie du TI Innovator Rover en Europe. C'est la toute première solution robotisée pour les élèves de l'enseignement secondaire qui dynamise l'apprentissage combiné des STEM, ce qu'on appelle sciences, technologies, mathématiques et ingénierie. Les élèves peuvent écrire des programmes sur leur calculatrice graphique TI tout en faisant tourner les roues du Rover pour un apprentissage amusant, interactif et pratique. Rover donc se connecte au TI Innovator Hub ainsi qu'à une calculatrice graphique TI-84+ CET ou TI Inspire CX, déjà détenue par plusieurs gens, apparemment des étudiants, des élèves. Et ça suscite leur intérêt et curiosité pour les cours mêlant sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Les élèves n'ayant pas ou peu de notions de programmation ou de robotique peuvent se lancer en écrivant un programme basique pour dicter diverses actions que le Rover réalise, telles que du dessin, de la danse ou même des simulations d'accidents. Elles disent avoir créé Rover afin de démystifier la robotique et de donner aux étudiants éventuellement intimidés par la programmation un point de départ pour l'apprentissage du codage. Étant donné le pur bonheur qu'ils ont lu sur le visage des élèves lors de l'apprentissage du codage au cours des phases de test, ils avaient hâte de voir comment Rover inspira davantage de jeunes gens dans le domaine de la robotique. Rover a été conçu tout spécialement pour une utilisation en salle de classe et comprend une batterie rechargeable, un capteur de couleur et de distance, un écran LED Dell, un gyroscope ainsi qu'un support pour marqueurs pour les tracer sur papier. Ce véhicule robotisé commandé par calculatrice sera disponible au printemps en Europe pour commencer. Et si les véhicules étaient bientôt capables de mesurer nos émotions? D'après une étude réalisée pour mieux comprendre les émotions ressenties lors de différentes activités du quotidien, conduire une voiture sportive figure parmi les moyens les plus efficaces pour améliorer son bien-être. Oubliez les dîners romantiques ou les coffrets cadeaux sensations fortes. D'après une nouvelle étude de Ford, conduire une voiture sportive tous les jours aurait un impact nettement plus positif sur votre bien-être et vos besoins en émotions. La Buzz Car, donc une Ford Focus RS unique combinant intelligence artificielle et capteurs sensoriels pour mesurer vos pics d'émotions. Pour mener à bien son expérimentation, Ford a fait appel à des volontaires qui ont tour à tour regardé un match de football de leur équipe favorite, visionné un épisode clé de la série Game of Thrones, embrassé fougueusement leur moitié, participé à un cours intensif de salsa ou profité d'un tour de montagne russe. L'objectif était de mesurer les émotions perçues au cours de toutes ces activités-là et de les comparer avec celles ressenties lors d'un tour de circuit avec un véhicule sportif de la marque Ford. Résultat, excepté lors d'un looping de Grand 8, c'est en conduisant une voiture sportive que les participants ont ressenti le pic d'émotion le plus fort. Pour agrémenter les résultats de l'étude, Ford a mis au point avec l'aide de neuroscientifiques et de designers un véhicule unique capable de mesurer ses pics d'émotion. Donc c'est ça, la Buzz Car dont je parlais tantôt. Une Ford Focus RS unique combinant intelligence artificielle et capteurs sensoriels, ainsi que près de 20 000 lumières LED réparties tout autour de la voiture pour illustrer en temps réel les émotions du conducteur. Pour mettre au point cette Buzz Car, il a fallu aux équipes Ford 1400 heures de travail, du concept au design en passant par l'installation et la programmation de toute la partie informatique de la voiture. Et la Buzz Car, c'est également un PC gaming haute performance Zotac VR Go, des bandes LED lumineuses de 110 par 500 lumens capables de briller le jour, 82 panneaux d'affichage avec 188 416 lumières DEL adressables individuellement. C'est du stock, hein? Et c'est Ford. C'est fait fort, c'est fait Ford. Ensuite, justement, parlant de nos amis chez Ford, ils voudraient créer des voitures de police autonomes capables de vous donner une contravention. Ah, son fin, hein? Le constructeur automobile Ford a récemment déposé un brevet concernant un concept de voiture de police autonome capable de trouver les meilleurs endroits pour effectuer des contrôles de vitesse et, accessoirement, bien sûr, punir les automobilistes hors la loi. Peut-être que dans le futur, donc, la police n'aurait même plus besoin de policiers pour verbaliser les conducteurs ayant le pied un peu trop enfoncé sur la pédale. C'est en tout cas ce qu'aimerait expérimenter Ford, à en croire un brevet récemment validé par le US Patent Office. Ce dernier concerne un véhicule de police autonome doté d'un système d'apprentissage de réseau neural profond, lui permettant de trouver les meilleurs endroits pour se cacher et attraper les conducteurs violant les lois de la route. Déposé en 2016 par Ford, mais validé tout récemment, le brevet imagine donc une voiture autonome équipée d'une quantité impressionnante de capteurs, plusieurs caméras, un système de lecture de plaques d'immatriculation, tout un système de LiDAR, des capteurs ultrasons et des microphones, une connexion satellite ou encore tout simplement un bon vieux radar pour détecter la vitesse des automobilistes sont au programme, parmi d'autres éléments très high-tech. Le véhicule serait capable d'apprendre à se cacher derrière des éléments de l'environnement, par exemple un arbre, hein, pour passer le plus inaperçu possible depuis la route. Le brevet évoque également la possibilité pour la voiture d'être reliée à la gestion du trafic routier, pour par exemple savoir qu'un conducteur a brûlé un feu rouge avant qu'il n'arrive à proximité du véhicule de police. Et après ça, ben, le véhicule de la police pourrait entrer en communication via un réseau sans fil avec la voiture ayant enfreint la loi pour lui donner son petit papier, hein, de contravention. Une proposition des plus futuristes, puisqu'on est encore bien loin de voir ces véhicules 100% autonomes débarquer sur les routes, mais quand même, ça s'en vient. Ensuite, les enfants malades vont au bloc opératoire en voiture électrique. Hein, c'est incroyable ça, c'est donc aller à l'hôpital qui est déjà pas une chose super cool, mais on essaie de rendre ça cool. Certains hôpitaux font tout pour leur faire oublier aux enfants un petit peu leurs conditions. Direction Valenciennes, où les brancards ont été remplacés par des voitures électriques. Parce qu'un brancard, hein, une ambulance, c'est synonyme de bien des choses tristes. L'hôpital de Valenciennes a décidé de les remplacer par des voitures électriques. Voitures de sport, décapotables, Humvee. On peut même choisir sa voiture. Ces petites voitures qui égayent, oui, la vie des enfants ont été offertes par le personnel de l'hôpital et les joueurs du club de football de Valenciennes. C'est aussi et surtout un moyen ludique de faire diminuer le stress des enfants, ce qui entraîne un usage plus faible, voire nul, de médicaments pour les détendre. Et voir son enfant qui ne pleure pas, ben ça, hein, quand il est courageux, c'est tout mignon, hein? C'est donc dans la région de Valenciennes, qui est située en France. Bien sûr, c'est une commune française, historiquement capitale du comté de Hainaut français, et aujourd'hui sous-préfecture du département du Nord, en région Hauts-de-France. Je savais tout ça par cœur. Et on termine dans les airs, comme on le fait régulièrement, avec un Boeing 787 qui effectue un vol long courrier avec un biocarburant à base de moutarde. L'industrie de l'aviation expérimente régulièrement des carburants plus propres, notamment pour réduire l'empreinte carbone de leur vol. Et ben, on est encore loin de bousculer entièrement, oui, sur des biocarburants, mais les choses avancent dans le bon sens. Voici donc un Boeing 787 qui vient effectuer un long courrier avec un biocarburant à base de moutarde. Le vol QF96 de Boeing 787 Dreamliner de Qantas a relié Los Angeles, États-Unis, à Melbourne, Australie, grâce à 24 tonnes de biocarburant réalisé à base de graines de moutarde Brassica carinata. Ça a l'air délicieux. Sur du smoke meat. Le processus d'extraction a été développé par Agrisoma Biosciences. Ça doit être dans une autre langue. Une société spécialisée basée au Canada. Ah, ben c'est peut-être juste une faute d'orthographe, finalement. Selon les rapports, ce carburant offre une réduction de 80% des émissions de carbone par rapport à un carburant conventionnel. Qantas envisage d'effectuer régulièrement des vols avec du biocarburant, oui, à partir de 2020. Ce vol en particulier a été mis sur pied après que la compagnie a été nommée compagnie la moins efficace de la région. Tout un honneur, là, par le International Council on Clean Transportation, brûlant le plus de carbone parmi toutes les compagnies aériennes qui volent au-dessus du Pacifique. Hey, hein? Est-ce que tu veux faire des photos avec ton index qui pointe devant pour faire un dans ce sens-là? Je penserais pas. Voilà pour le bloc. Tout ce qui bouge. Et pas mal rendu à la fin du contenu, ça paraît qu'on n'a pas de chroniqueur aujourd'hui. On écoute du chiptune pour continuer avec une pièce de Saul Cross. Et vous allez aimer ça, en fait, parce que, ben, en tout cas, vous allez aimer ça. Je vous dirai pas quoi penser ou comment vous sentir, là, mais pour ceux qui aiment la série Stranger Things sur Netflix, on va entendre Stranger Things Commodore 64 Mix. Un mix par Saul Cross tout de suite au Mathieu Plante Show. We'll be right back. Sound of Snow, précédé de la chanson thème de Stranger Things, version Commodore 64 par Soul Crass. Et maintenant, c'est la suite de Cilix qu'on a fait tout à l'heure. J'ai trouvé quelques petites nouvelles. Là. J'avais dit que j'avais fini le contenu. Ah, avant de continuer, j'ai parlé de brancard tantôt. J'ai dit que c'était une ambulance, mais non, c'est une civière. Hein? C'est ce que l'article voulait dire, là, de transporter les enfants en voiture sportive à l'hôpital pour remplacer la civière. Mais en même temps, ça remplace aussi l'ambulance. Vous comprenez ce que je voulais dire. Hein? Cilix, donc d'autres trucs cool, nouveaux et extrêmement intéressants. On parle de Tinder encore. Vous êtes peut-être espionné sur Tinder, Colin. Les photos hébergées sur Tinder ne sont pas sécurisées, ce qui pourrait permettre à un pirate d'épier vos moindres faits et gestes sur l'application, nous dit Radio-Canada avec The Verge, Wired et BuzzFeed News. C'est le constat auquel en sont arrivés des chercheurs en sécurité informatique de la firme israélienne Checkmarks. Dans leur rapport, ils indiquent que ni l'application pour iOS ni celle pour Android n'est sécuritaire. Selon ces spécialistes, Tinder n'utilise pas le chiffrement HTTPS pour les photos, alors que le protocole est pourtant considéré comme standard de nos jours. Ce qui signifie qu'une personne mal intentionnée et ayant accès à votre réseau Wi-Fi pourrait voir toutes les images affichées par Tinder sur votre appareil mobile. Bien que les actions effectuées dans l'application sont chiffrées, leur relative simplicité permet de les déduire facilement, notent les chercheurs. Ceux-ci sont parvenus à démontrer cette affirmation en concevant une application capable de détecter automatiquement les actions d'un utilisateur sur Tinder. L'application analyse les communications entre le téléphone de l'utilisateur et le serveur de Tinder. Suivant la taille des données envoyées par le serveur, c'est systématiquement toujours les mêmes. L'application peut reconnaître si l'utilisateur a aimé un profil ou pas. Elle peut même détecter lorsque l'intérêt entre deux personnes est réciproque, donc il y a un match. Seules les discussions privées envoyées par le biais de la messagerie interne de Tinder sont restées inaccessibles pour les chercheurs, pour l'instant. Checkmarks note que l'accès à des informations personnelles comme l'orientation sexuelle peuvent mener à du chantage par des pirates, du blackmail qu'on appelle des fois, et qui peuvent réclamer de l'argent en échange de leur silence, une méthode qui s'apparente à de la sextorsion. Les pirates pourraient aussi se servir de leur accès à des photos non sécurisées pour les remplacer par des contenus inappropriés ou par de la publicité. Tinder a indiqué au site The Verge que les photos en question étaient des photos publiques, accessibles à tous les utilisateurs de l'application, et l'entreprise dit travailler sur une solution permettant de les chiffrer. Parlant d'atteindre des informations qu'on ne devrait pas avoir, hein, Equifax Canada qui veut regagner la confiance du public après le piratage de 2017. Un article de la presse canadienne. Le responsable de la vie privée chez Equifax Canada a indiqué qu'aucune trace d'activité frauduleuse n'avait été détectée dans les comptes canadiens piratés l'an dernier lors de l'énorme brèche de sécurité informatique dont a été victime sa société mère américaine. Selon John Russo, l'entreprise reconnaît que sa réputation a encaissé un dur coup avec la faille de sécurité qui a exposé les informations confidentielles d'environ un Américain sur deux. Mais seulement 19 000 Canadiens ont été touchés par le piratage. La multinationale spécialisée dans la surveillance du crédit tente depuis de regagner la confiance de la population en ce qui a trait à sa capacité à recueillir et protéger les données confidentielles utilisées par les institutions financières, les propriétaires et les consommateurs. Equifax était demeurée muette à la suite du piratage, mais elle compte aujourd'hui plusieurs porte-paroles pour faire la promotion de nouveaux genres de services qu'elle veut vendre aux prêteurs canadiens qui doivent vérifier certaines informations d'embauche et de revenus pour autoriser une demande hypothécaire, par exemple. Monsieur Rousseau a indiqué que les serveurs d'Equifax Canada n'avaient pas été victimes de la faille informatique et qu'aucun des Canadiens ayant utilisé le serveur piraté aux États-Unis n'avait rapporté de signes de vol d'identité depuis qu'ils ont été avertis de ce risque. Il a aussi précisé que l'entreprise surveillait régulièrement Internet pour détecter les signes d'achat et de vente d'informations volées et n'a découvert aucune preuve de transaction portant sur les données des victimes canadiennes du piratage de l'an dernier. Au moins une bonne nouvelle dans cette histoire. Et pour terminer, le matériau peut-être le plus résistant et le plus léger sur Terre. Depuis des années, les chercheurs savent que le carbone, arrangé d'une certaine manière, peut être très, très, très résistant. Le graphène en est le parfait exemple. Pendant longtemps, il a été considéré comme le matériau le plus résistant au monde. Et bien, il pourrait aujourd'hui être supplanté par cette création d'encore une fois, tout le temps, le MIT. Le problème avec le graphène, c'est que s'il offre une finesse et des propriétés électriques uniques, il est très difficile de l'utiliser pour créer des matériaux en trois dimensions. En janvier 2017, une équipe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology découvrait qu'en utilisant de petits morceaux de graphène et en les faisant fusionner selon un maillage particulier, on conserve non seulement la force du matériau, mais le graphène reste aussi poreux. Suite à des modèles imprimés en 3D, les chercheurs ont déterminé que ce matériau, avec sa géométrie si particulière, est plus solide que le graphène, 10 fois plus résistant que l'acier, avec seulement 5% de sa densité. Autrement dit, extrêmement léger aussi. Cette nouvelle découverte, je cite, montre que l'aspect crucial de ces nouvelles formes 3D est davantage dû à la configuration géométrique inhabituelle qu'au matériau en lui-même, ce qui suggère que des matériaux aussi résistants et légers pourraient être obtenus à partir de tout un tas d'autres matériaux en créant des structures géométriques similaires. On peut remplacer le matériau en lui-même par n'importe quoi. La géométrie est le facteur dominant. Ça pourrait être appliqué à de nombreux domaines, disent-ils. Des projets de grande envergure comme les ponts pourraient suivre cette géométrie pour s'assurer une forte résistance aux éléments et au trafic. Et la construction en elle-même serait plus aisée puisque le matériau est plus léger. Encore une faute d'orthographe, Caroline Internet, voyons donc. De part, P-A-R-T. Moi, c'est sûr que je vais lire de part. C'est de part, sa matière poreuse. Il pourrait aussi trouver sa place dans des systèmes de filtration. Voilà pour ce petit complément d'information du bloc CNX. On va pouvoir retourner en musique, bien sûr, pour aller entendre une pièce de Digit X. Elle s'appelle Pixel Rain, tout de suite au Mathieu Plancheau. We'll be right back. La pièce Pixel Rain par Digit X au Mathieu Plante Show. Alors, on va se terminer l'émission dans quelques instants, mais je vais vous dire tout de suite qu'on va se quitter avec une pièce, en fait, qui provient d'un album qui est un hommage black metal au tableau de glace dans les jeux vidéo. C'est très, très précis. Hein? Ça s'appelle Black Ice par Mega Beardo. La pièce qu'on va entendre à la toute fin sera World 666 de Super Mario Brothers 3. Mais c'est là-dessus qu'on termine l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine en direct les mercredis entre 15h et 17h. On rappelle les jeudis à 13h. Je l'aime aussi Assemblage Requis en compagnie de Tania Baudin du lundi au vendredi de 7h à 10h. Consultez la programmation complète sur cif.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye bye!